Chapitre 4. L'heure de la réunion du Parlement sonnait au palais de Westminster. Nous partîmes donc pour Londres. Mon ancien élève était devenu, par droit héréditaire, Lord Fairville, et il fallait qu'il prît possession de son siège de pair à la Chambre haute. Loin de se considérer comme un tutelle, il ne cessait de me témoigner une confiance et une amitié qui jamais ne se sont démenties. Il me quittait que rarement et ne recherchait ni le monde ni ses plaisirs. Son intelligence s'était développée suffisamment pour qu'il prît goût aux affaires de l'État et qu'il en raisonnât bien. Cependant, je ne pus lui inculquer l'amour de l'étude. Il s'intéressait à toute chose, mais sans en approfondir aucune. Il prenait volontiers un livre, même le plus sérieux, mais ne s'y attachait pas. Parcourait les journaux, les revues, conférait avec ses intendants de l'administration de ses terres, suivait les discussions politiques, mais sans y prendre part, car il souffrait de s'exprimer difficilement et parlait peu. Le plus souvent, il se bornait à faire des signes à ses gens pour leur demander un objet ou un autre, de préparer un cheval ou une voiture. Bien qu'il eût de la bonté, qu'il donnât beaucoup aux pauvres, en souvenir de sa mère, il avait de la malice et la laissait percer à tout propos, même avec moi. Lorsqu'il était plus jeune, je le surprenais cachant mon chapeau ou ma canne, ou le volume dont je faisais ma lecture dans le moment. Avec l'âge, cette malice changeait de caractère mais résistait à toute mon opposition, car je n'avais pas cessé de la combattre depuis les commencements. Il lui arrivait, par exemple, de m'indiquer un rendez-vous, de s'y rendre, mais de se placer de façon à ce que je ne le visse pas, pour jouir de mon embarras, de ma contrariété pendant quelques instants. Puis, il se montrait brusquement, comme s'il venait d'arriver. On eût dit un enfant à le voir agir de la sorte. Comme je n'espérais plus de le corriger ou plutôt de changer sa nature si extraordinaire, je feignais de ne pas m'apercevoir de ses étranges habitudes. Autant il était sobre à table, autant il s'emportait dans des jouissances physiques, indignes d'un homme de son rang, où le poussait un tempérament de feu. Son idéal était extrêmement borné. Les grandes et nobles passions ne l'enflammaient pas. Il était rebelle aux arts et ne concevait l'amour que sous la forme la plus vulgaire. Aussi, sa constance vis-à-vis de Miss Helen McClaymore m'étonnait-elle. Je ne l'expliquais que par la ressemblance frappante de cette jeune fille avec Lady Fairbell. Et c'était en effet son principal attrait. Il hantait très peu ses collègues de la chambre et ne recherchait pas en général la société des hommes ou des femmes, se plaisant à Londres comme à la campagne aux exercices violents. Ma compagnie semblait lui suffire et je ne le voyais pas se mêler aux jeunes gens de son âge en dehors de la chasse et du cricket. La gymnastique était l'un de ses passe-temps favoris. Il ne manquait pas de s'y livrer chaque jour, surpassant en agilité les gymnastes les plus réputés. D'après le portrait que je viens de tracer de mon ancien élève, il ne faudrait pas conclure qu'il manquait d'intelligence. Loin de là, il avait l'esprit sagace et se plaisait aux inventions mécaniques, mais son cerveau ne percevait pas les abstractions. Tout raisonnement philosophique lui était impossible. Mais comme je l'ai déjà dit, il possédait une mémoire surprenante et de la finesse. S'il se fût exprimé plus aisément, il eût certainement brillé dans certaines conversations mondaines où l'on ne cherche pas la profondeur des vues.